À Pyongyang, les équipes du groupe B des éliminatoires pour la Coupe d'Asie féminine de la Confédération asiatique de football 2018 ont disputé les matchs le 5 avril au stade Kim Il-sung. L'équipe de la République populaire démocratique de Corée a battu celle de Hong Kong de Chine par le score de 5-0, alors que l'équipe sud-coréenne a vaincu celle de l'Inde par le score de 10-0. Par ailleurs, le club locomotive de la République populaire démocratique de Corée a battu celui Il-Tsin de Mongolie par le score de 3-0, dont le premier match disputé le 4 en Mongolie, dans le cadre du 9e groupe de la région d'Asie-Est de la Coupe de la Confédération asiatique de football 2017. Le deuxième match aura lieu à Pyongyang le 31 mai prochain.